Chapitre 8e, l'atelier. L'atelier, naguère si calme et si tranquille, était maintenant plein de bruit. Tous ces jeunes hommes, dont l'œil était éclairé par une flamme divine, se pressaient autour de leur maître vénéré et lui rendaient compte de leurs travaux. Lui, cependant, la tête inclinée sur la poitrine et la pensée tout à ses amours, les écoutait avec distraction et leur répondait à peine. Tout à coup, la lumière brilla au bec des lampes suspendues au plafond, et l'atelier, inondé par ces lueurs soudaines, vit une scène qu'on ne reverra plus. Le nouveau chef-d'œuvre, enfanté par quelques heures de fièvre, apparut dans sa grâce éblouissante au regard des disciples. Un grand silence se fit. Toutes les têtes étaient tournées vers cette rayonnante fornarina que le pinceau du maître venait de faire immortelle. Tous les yeux la dévoraient, et cependant toutes les bouches restaient muettes. Car quelle parole eût été digne de ce divin portrait qui restait une des plus grandes choses de ce siècle si fécond en merveilles. Mieux que personne, mieux que nous surtout, ils comprenaient toute la sainteté et toute la dignité de l'art, ces jeunes hommes pleins de foi et d'ardeur, qui se pressaient sur les pas des maîtres favorisés et souvent passaient leur vie à étudier leurs œuvres et à écouter leurs discours. Sous ce rapport, nul homme n'a tiré à lui plus de sympathie que Raphaël. De tous les points de l'Italie, on accourait solliciter l'honneur d'être admis au nombre de ses élèves. Et souvent, le peintre des Madones et des Nymphes vit venir à lui des artistes dont l'âge était plus avancé que le sien. Jules Romain, l'élève chéri du maître, osa le premier rompre le silence solennel qui régnait dans l'atelier. Saisissant avec force la main de Raphaël et l'entraînant devant la toile dont les fraîches couleurs miroitaient sous la lumière vacillante des lampes, « Maître, lui dit-il avec une émotion que sa voix ne pouvait dissimuler, maître, est-ce un rêve ? Est-ce un sublime effort de votre imagination qui a fait revivre ainsi sur la toile toutes les grâces, toutes les beautés de la divine fille du Fornaro Gaffarelli? Car il n'y a qu'elle au monde pour posséder cette luxuriante chevelure d'or qui s'échappe sous la dentelle, ces grands yeux bleus dont le regard velouté vous séduit et vous attire, cette bouche fraîche et mignonne qui semble inviter à venir cueillir la volupté dans un baiser sur ses lèvres. Maître, dites-nous si nous ne rêvons pas, ou si, cédant enfin vos instances, le Fornaro du Bourgneuf a exaucé vos prières. Ami, dit Raphaël de sa voix mélodieuse, je voulais vous cacher cette toile qui n'est encore qu'une ébauche, mais votre arrivée a été si prompte. Et pendant qu'il parlait, Raphaël, les yeux sur le portrait ébauché de sa maîtresse, semblait plongé dans une extase qui l'enlevait à ce monde. Maître, excusez-moi, dit Jules, nous quittions nos travaux selon notre habitude et nous ne savions rien. « Eh bien, Jules, » dit Raphaël, en s'arrachant cette espèce de sommeil de l'âme, « réjouis-toi. Ami, réjouissez-vous. Ce jour sera grand entre tous dans l'histoire de l'art. Voyez-vous ce portrait commencer ? C'est la première pierre d'un monument que tous, vous comme moi, nous devons élever à la gloire de Léon X, notre très saint père. C'est lui qui, ce matin, m'a rendu la vie. Il a écouté favorablement la prière de son indigne serviteur. Sa voix auguste a daigné se faire entendre pour moi. Que son nom soit béni comme celui du Seigneur. Maître, que dites-vous ? Quoi, Jules, ne me comprends-tu pas ? Ce portrait ne te dit-il rien ? En vérité, maître, je n'ose supposer. Le Saint-Père vous aurait-il, cette fois encore, donné un ordre express, comme le jour de cette exécution ? Tu l'as dit. Et la Fornarina vous a suivi ? Les scrupules de son père ont été élevés ? Stella est ici, mon ami. Et tout de suite, craignant qu'elle ne m'échappât encore, j'ai voulu fixer ses traits sur la toile. Demain, j'achèverai ce portrait. Béni soit le Saint-Père, s'écria Jules Romain transporté. Ce siècle est digne de s'appeler le siècle de Léon X. Maintenant, nous aurons le triomphe de Galatée. Les autres disciples avaient écouté cette conversation sans oser l'interrompre. Jules parlait pour eux tous, et les pensées qu'il exprimait étaient dans tous les cœurs. Seul Antonio Vanozzi, le plus jeune et le dernier venu dans cette école, n'écoutait que d'une oreille distraite ce qui se disait autour de lui. « Oui, » dit Raphaël, répondant à Jules Romain, « maintenant que cette femme, créée par le ciel tout exprès pour moi, m'appartient, nous recommencerons nos travaux avec une nouvelle ardeur. Nous achèverons ce triomphe de Galatée qui est commencé. Nous ferons pour le comte Farnèse, sur les murs de sa grande galerie, l'histoire de Psyché. Nous travaillerons, mes amis, et alors la vie, quelque longue qu'elle soit, nous paraîtra toujours trop courte. Nous n'avons perdu que trop de temps dans la boutique du Fornaro Gaffarelli. C'est à lui d'en perdre maintenant, dit une voix railleuse. Maître, savez-vous où il est à cette heure, le fornaro Gaffarelli ? Que nous importe, dit Raphaël. Il est devant votre porte, à genoux sur le pavé de la rue. Pauvre homme, dit Antonio Manozzi avec une émotion profonde. En ce moment, la porte de l'atelier s'ouvrit brusquement et le fornaro Gaffarelli parut sur le seuil.